السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، chers auditeurs, nous sommes toujours dans l'étude des règles relatives aux ablutions, al-wudu, al-tahara, la purification, qui est, comme nous le savons tous désormais, une des conditions les plus importantes de l'authenticité de la prière, cette dernière étant le deuxième pilier de l'islam, l'action la plus importante par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala après l'attestation de foi. Et aujourd'hui, nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, nawaqidul wudu, les annulatifs des ablutions. Nawaqiduhu ay mufsidatu, ce sont les choses, dès lors qu'elles se produisent, viennent annuler na'am, les ablutions de la personne et sa purification. Donc il y a plusieurs annulatifs, il nous faut les connaître afin d'être sûr d'être en état de pureté lorsqu'on doit faire une chose nécessitant cela comme les ablutions. An-naqid al-awwal, le premier annulatif des ablutions, Al-Kharijou Minas Sabilayn. Tout ce qui sort des deux orifices. Donc si la personne urine ou défecte ou a un gaz ou autre, cela annule sa purification. Que ce soit en petite quantité ou que ce soit en grande quantité. Que la chose qui sorte de la personne soit pure ou impure, qu'elle soit pure ou impure, que ce soit une chose dite naturelle et habituelle, ou que ce soit une chose qui sorte de l'ordinaire. Une chose habituelle et impure, comme l'urine. Une chose habituelle mais pure, comme le mani, le sperme. Et une chose inhabituelle, comme une pierre. À supposer que la personne ait avalé une pierre ou une bille, si en faisant ses besoins, ou bien si cette chose sort par son orifice, alors elle aura annulé ses ablutions. Elle aura annulé son wudu, ses ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate An-Nisa, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it. Allah tabaraka wa ta'ala nous mentionne ce qui nécessite de faire les ablutions, la purification. Et on nous mentionne celui qui fait ses besoins. Et dans le hadith de Safwan, radiallahu anhu, on a kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'muruna idha kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihin illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm. Dans le hadith de Safwan radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait, lorsque nous étions en voyage, de ne pas enlever nos chaussons. Et cela pour une durée de 3 jours et 3 nuits. Sauf celui qui était en état de janaba. Sauf celui qui était en état de janaba. C'est-à-dire que son liquide est sorti suite à un rêve érotique ou suite à un rapport avec l'épouse. Donc, le prophète, alayhissalatu wassalam, leur disait qu'ils n'avaient, en perdant le wudu, ils n'avaient pas l'obligation de retirer leurs chaussons, sauf si c'était al-janaba. Pourquoi ? Parce que cela nécessite le grand lavage. Puis, il leur disait, Walakin min ra'itin wa bawlin wa nawm. Il leur disait, mais si la personne a défecté, uriné ou dormi. C'est-à-dire, dans ces cas-là, elle n'a pas besoin d'enlever ses chaussons. Elle refait le wudu, mais sans enlever ses chaussons, elle pourra juste essuyer sur ses chaussons. Donc ce hadith nous prouve que le fait de faire ses besoins, que ce soit par devant, par derrière, ou de dormir, tout cela fait partie des annulatifs des ablutions, qui nécessitent de refaire le wudu. Qui nécessite de refaire les ablutions. Ce hadith est rapporté par Ahl Sunan illa Abi Daoud rahmatullahi alayhi, mais Cheikh Al-Albani dit que le hadith est Hassan. Il est Hassan. Donc le premier annulatif, tout ce qui sort de devant et de derrière. An-naqid al-thani, le deuxième annulatif des ablutions, زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بنوم أو غيره. La perte de raison, que ce soit en dormant ou d'une autre manière, que ce soit la perte de raison véritable, comme celui al-majnoun, celui qui a perdu la raison, ou que sa raison soit couverte, comme al-sakran. Celui qui est en état d'ébriété, en état d'ivresse, ou celui qui s'est évanoui, ou que ce soit celui qui dort. Donc tous ces gens-là ont le jugement d'avoir perdu la raison. Et le sommeil, un naum madhinnatun li khuruji al-hadath. Donc, le fait de dormir est un moment où la personne peut perdre ses ablutions sans s'en rendre compte, sans le savoir. Elle peut avoir un gaz ou la sortie d'un liquide. De ce fait, on lui a donné le même jugement que celui qui avait la certitude de l'avoir perdu. Ainsi, celui qui dort perd ses ablutions. Celui qui dort perd ses ablutions. Ici, il s'agit du sommeil réel, qu'on pourrait qualifier de profond. Quant à ce qu'on appelle un nu'as, la somnolence, le simple fait de s'assoupir ou de somnoler, de manière plus générale, le sommeil léger n'annule pas les ablutions. Pour preuve, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينظرون أو ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدارقطني رحمه الله، أصله عند مسلم. وفي رواية مسلم ينامون. Donc, Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à son époque attendaient la prière du Isha jusqu'à ce que leur tête tombe, c'est-à-dire comme lorsque la personne s'endort. Puis ils priaient sans refaire el wudu, sans reprendre les ablutions. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Sa base est dans le recueil de l'imam muslim. Et dans la version de l'imam muslim, on nous dit qu'ils attendaient la prière du Isha, dormaient, puis priaient sans refaire el wudu. Ce qui est voulu ici par dormaient, c'est-à-dire s'assoupir. Et dans le hadith de Safwan, qu'on a mentionné juste avant, ils n'avaient pas besoin d'enlever leurs chaussons après avoir perdu le wudu pour le refaire lorsqu'ils faisaient leurs besoins ou s'endormaient. Donc c'est la preuve que le fait de dormir annule le wudu, annule les ablutions. Le troisième annulatif, masul farji bishahwatin min ghayri ha'il. Le fait de toucher la partie intime avec désir ou excitation sans séparation entre la paume de la main, sans séparation entre la main et la chose touchée. Donc, si la personne touche sa partie intime ou la partie intime de son épouse avec désir, à ce moment-là, ça annule el wudu. Par contre, si cela est fait, mais avec un gant, avec un tissu, qui fait qu'il n'y a pas un contact direct entre les deux peaux, ceci n'annule pas les ablutions. Ceci n'annule pas les ablutions. Certains parmi les gens de science disent que de toucher la partie intime n'annule pas les ablutions de manière, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation. Se basant sur le hadith, innama huwa bid'atun mink. Ça n'est qu'une partie de toi. Ça n'est qu'une partie de toi. Car lorsque le compagnon a questionné sur cela, le prophète sallam lui a dit, ta partie intime n'est qu'une partie, ça n'est qu'une partie de toi. Ça n'est qu'une partie de toi. Et ceux qui disent que ça annule les ablutions, ou d'autres encore disent que ça annule les ablutions de manière absolue, qu'il touche sa partie intime ou celle d'une autre personne, que ce soit un petit ou une personne adulte, que la personne soit vivante ou décédée, comme dans le cas où la personne fait le lavage mortuaire et touche la partie intime de la personne sans gants, bien que ceci n'est pas permis de toucher la partie intime de l'étranger qu'on lave sans gants, yani sans séparer, sans mettre quelque chose, un tissu ou un gant autour de la main. Et ceux qui ont dit que ça a annulé les ablutions sont basés sur le hadith de Bosra. Sur le hadith de Bosra bintu Safwan. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, man massa dhakara falyatawadda. Rawahu ahlu sunan wa ahmad. Qal al-Albani sahih. Donc dans le hadith de Bosra et la fille de Safwan radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche sa partie intime, qu'il ou quiconque touche sa partie intime, qu'il fasse les ablutions. Qu'il fasse les ablutions. Donc, nous avons l'avis de ceux qui disent que ça annule les ablutions dans tous les cas, l'avis de ceux qui disent que ça n'annule pas les ablutions, quelle que soit la situation. Et nous avons un avis intermédiaire qui dit que ça coupe les ablutions si cela est fait avec désir. Si cela est fait avec désir ou excitation. Et Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala a mentionné le hadith « Ça n'est qu'une partie de toi » et a dit que lorsque on médite ce hadith, on voit que ceux qui ont dit que ça ne coupait pas les ablutions, quel que soit le cas, n'ont pas juste dans leur avis. Pourquoi? Parce que lorsqu'on médite cela, ça n'est qu'une partie de toi. Donc on touche cette partie comme on toucherait une autre partie du corps. Dans ce cas-là, oui, ça ne coupe pas les ablutions. Mais celui qui touche cette partie avec désir ou excitation, il ne la touche pas comme n'importe quelle autre partie de son corps. Naam. Donc, Avec ces explications, on voit que de dire que l'annulatif est le fait de toucher la partie intime avec désir lorsqu'il n'y a pas d'obstacle entre la main de la personne et la partie intime touchée. Wallahu a'lam. Et comme le disait Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, il convient de prendre référence, de se référer au grand savant qui avait beaucoup de wara, comme le grand savant Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, ou Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen, rahimahullah, et d'autres. Et Ibn Uthaymeen voyait que cela n'annulait pas les ablutions de toucher la partie intime. Il disait, malgré cela, ihtiyatan, par précaution, vu que les savants de l'islam ont divergé à ce sujet, s'il m'arrive de toucher la partie, je refais les ablutions, par précaution. C'est sur cela qu'ont éduqué les grands savants, leurs successeurs, de prendre ces précautions en matière d'adoration. De prendre ces précautions en matière d'adoration. Donc même si on ne voit pas que de manière absolue toucher la partie intime annule les ablutions, il convient quand même de les refaire par précaution. Par précaution. Un autre exemple, le grand savant Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, disait que de laver le mort n'annule pas les ablutions. Mais par précaution, on les refait, car des savants de l'islam ont divergé à ce sujet-là. Il disait que de dire Bismillah au début des ablutions n'était pas obligatoire, mais une sunna. Mais si la personne oublie, il lui convient de refaire les ablutions par précaution, vu que les savants de l'islam ont divergé. Ainsi, on voit qu'ils avaient beaucoup de retenue dans ces sujets-là, malgré la grande science qu'ils avaient. Et il fut dit, plus le savant a de la science, plus il a de la mansuétude. Il n'est pas sévère dans les jugements religieux. Et cela, chaque personne qui a étudié un minimum l'observe sur sa personne et sur autrui, que ceux qui ont peu étudié et ont très peu de connaissances sont sévères dans le jugement, car ils pensent que la science est ce qu'ils ont atteint eux. Et tous ceux qu'ils entendront par la suite, ou tout avis qui leur parviendra par la suite, ne sera qu'ignorance, ou laxisme, ou exagération. Puis lorsque ce dernier atteint un certain niveau de science, et écoute et lit de beaucoup de savants, ou a l'honneur de s'asseoir devant beaucoup de savants, il voit les différents avis et la vasteté de cette science-là. Ainsi, il prend plus de recul et a plus de pitié dans ce domaine et moins intransigeant. Et moins intransigeant. L'annulatif suivant, An-naqidur-rabi' aklu lahmil jazour. Le fait de manger, de consommer de la viande de chameau. De la viande de chameau. Al-jazour, ce qui est voulu ici, c'est l'ibil, chameau. Ibn Baz, Ibn Uthaymeen et autres nous disent que l'avis prépondérant est que celui qui mange de la viande de chameau a perdu el-wudu. Et vous remarquerez que le fuqaha, dans la terminologie, les savants du fiqh n'ont pas dit aklu lahmil ibil, le fait de manger de la viande de chameau, mais ils ont dit aklu lahmil jazour. Ils ont utilisé le terme jazour. Et les fuqaha, lorsqu'ils mentionne un terme en particulier, sachez qu'il y a une sagesse derrière cela. Sachez qu'il y a une subtilité derrière cela. Et ceux qui voient que de manger de la viande de chameau annule el-wudu, on dit aklu lahmil jazour et non pas dit el-ibil. Pour une sagesse qui est que pour eux, cet annulatif entre en vigueur dans le cas où la personne mange une partie du chameau qui nécessite d'être coupée. Al-Jazar, c'est le boucher. Il y a la notion ici de couper Al-jazr, c'est le qat'a. Donc, pour eux, la viande qui va annuler les ablutions de la personne est la viande de chameau, mais la partie du chameau qui nécessite d'être coupée pour être consommée. Non pas les entrailles comme. Non pas les choses qui ne requièrent pas cela à l'image du foie, par exemple, el-kabid. Ceci, pour eux, ne coupe pas les ablutions. Ne coupe pas les ablutions, car il n'y a pas le besoin de couper cette viande pour qu'elle soit consommée. Voici la subtilité dans l'appellation des fuqaha, lahm al-jazour, et cela nous appelle à respecter les gens de science, à valoriser, à estimer les gens de science, car ils ont fait un travail incommensurable. Ils nous ont facilité l'accès à la science et ont utilisé une terminologie précise afin qu'on puisse avoir accès à cette science sans patauger dans cette mer de connaissances. Sans patauger dans cette mer de connaissances. Ainsi, chez Ahl Sunnah wal Jama'a, chez les adeptes de la Sunna et de l'Union, il y a cette base, qui est la considération des savants de l'islam. La considération des savants de l'islam, de ceux qui ont travaillé pour cette religion, de ceux qui ont étudié le Coran et la Sunna, l'ont compris à la manière des pieux prédécesseurs, se sont attelés à son application, à son étude, sa propagation. Ils ont enduré face aux nuisances des ignorants, face aux nuisances de leurs détracteurs. Tout cela pour que cet islam, cette religion, cette science nous arrive, nous parvienne, na'am, d'une manière pure, nous parvienne d'une manière facilitée. Farahmatullahi ala ulama'ina, qu'Allah ait pitié de nos savants, qu'il les élève de leur vivant et après leur mort, qu'ils les préservent et qu'ils nous permettent de tirer profit de leur science ainsi que de leur caractère, leur comportement. Dans le hadith de Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. Dans le hadith de Samura, le prophète صلى الله عليه وسلم fut questionné. Dois-je faire les ablutions si je mange de la viande de chameau? Il répondit oui. Dois-je faire les ablutions si je mange de la viande de mouton? Il lui dit, si tu veux. De cela, les savants ont tiré que la viande de chameau annulait les ablutions, contrairement à la viande de mouton. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Et dans le hadith d'Al-Bara ibn Azib, radiallahu anhu, سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال توضأ منها وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوضأ منها رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Dans le hadith de Al-Bara'u ibn Azib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de la viande de chameau. Il a donc dit, faites les ablutions pour cela. C'est-à-dire, celui qui en mange doit refaire les ablutions. Il a été questionné sur la viande de mouton. Il a dit, ne refaites pas les ablutions pour cela. Ne refaites pas les ablutions pour cela. Donc, celui qui mange de la viande de chameau doit refaire les ablutions. Malgré cela, les savants disent que si une personne adopte l'autre avis, qui est que ça ne coupe pas les ablutions, et qu'il est l'imam, qu'il préside la prière, est-ce que celui qui est derrière lui, qui considère que ça coupe les ablutions, est-ce qu'il peut prier derrière lui ou pas? Ils sont à la même table, ils mangent de la viande de chameau. Et les trois premiers ont pour avis que ça coupe les ablutions. Et le quatrième a pour avis que ça ne coupe pas les ablutions. Et ce quatrième-là fait l'imam. Est-ce que les trois peuvent prier derrière lui? Oui, les trois peuvent prier derrière lui. Car c'est une divergence. Car c'est une divergence qui repose sur des bases, qui repose sur des textes, qui a une base. Ça n'est pas une divergence, ça n'est pas de l'illusion, ça n'est pas de la passion. Non, il y a des textes des deux côtés, si ce n'est que l'avis prépondérant chez les savants qui ont dit que ça coupait les ablutions, c'est que ça coupe les ablutions. Barakallahu fikum. Al-naqidu al-khamis, le cinquième annulatif des ablutions. Ar-riddatu an al-islam, a'adana Allahu wal-muslimina min dhalik. C'est le fait d'apostasier de l'islam, le fait de sortir de l'islam, le fait de mécroire après avoir eu la foi. Puisse Allah nous en préserver ainsi que l'ensemble des musulmans. Ar-ridda tuhbitu jami' al-a'mal. Lakin bi shartayn. Donc, le fait de sortir de l'islam annule l'ensemble des œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, il y a el wudu, les ablutions. Pour ce faire, il y a deux conditions. Donc, mentionnons certains versets. Allah dit: "Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Et s'ils avaient commis du shirk, s'ils nous avaient donné des associés, tout ce qu'ils ont fait serait devenu vain. Serait devenu vain. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Quiconque mécroit en la foi, ses actions sont vaines. Donc là, on comprend que celui qui tombe dans le kufr akbar ou le shirk akbar, dans le polythéisme majeur, donne un égal à Allah, dans la mécréance majeure, la personne annule toutes ses actions à cause de ce péché majeur, gravissime, le pire péché. Maintenant, en lisant le verset de Surat al-Baqarah, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Et quiconque revient sur sa religion, quiconque sort de sa religion, puis meurt tout en étant kafir, ceux-là ont annulé leurs actions dans ce bas monde et l'au-delà. Ainsi, on comprend que les premiers textes sont mutlaqa et que celui est munqai. Et celui-ci, qayyadatuha. Donc, celui-ci spécifie les autres textes. Celui-ci spécifie les autres textes qui sont venus avec un jugement de manière absolue. Celui-ci est venu avec un jugement de manière particulière. De manière particulière. Donc, d'une manière particulière, c'est que on y fait mention de deux conditions. Pour que celui qui sort de l'islam se voit annuler toutes ses œuvres, il y a deux conditions. La première, ridda, c'est qu'il sorte de l'islam, que ce soit avéré. Alhamdulillah. La seconde est qu'il meure dans cet état, c'est-à-dire sans s'en être repenti. La première condition, wa mayartadid minkum an dini. La deuxième condition, fayamut wa huwa kafir. Il meurt tout en étant dans cet état-là. Donc voici deux conditions. Quel est le résultat? Quel est le résultat? Habitat a'maluhum. Leurs œuvres sont vaines. Donc, pour que les œuvres soient annulées, il faut ces deux conditions. Que la personne ait commis un acte de polythéisme ou de mécréance majeure, et la deuxième, c'est qu'elle mécroit. Ceci seulement, qu'elle meure dans cet état. Avec ces conditions seulement, la personne se voit annuler toutes ses œuvres, sans exception, toutes ses bonnes actions. Toutes ses bonnes actions. Et ceci est l'avis d'un groupe parmi les savants de l'islam, à l'image de l'imam, par exemple, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. quel est le fruit de cette divergence? Ça nous amène à quoi? Quelles sont les conséquences de cette divergence? Par exemple, si on adopte cet avis en disant qu'on conditionne qu'il meure dans cet état pour dire que toutes ses œuvres sont vaines, ça amène comme résultat que si la personne sort de l'islam et qu'avant cela elle avait el wudu, puis se repent avant d'avoir commis un autre annulatif de l'wudu, ben on jugera d'elle qu'elle a ses ablutions. On dira qu'elle a ses ablutions. Et donc elle peut faire directement ce qui nécessite les ablutions. Un autre exemple plus parlant, c'est que si la personne a fait le hajj, a fait le pèlerinage, puisse Allah Azza wa Jal nous accorder cela cette année et beaucoup d'autres encore, dans les meilleures conditions et préservés de toute maladie, de tout mal. Si la personne accomplit le pèlerinage, puis, qu'Allah nous en préserve, tombe dans un acte qui l'a fait sortir de l'islam. Plus tard, Allah la guide, elle se repent. Est-ce qu'elle doit refaire le pèlerinage de l'islam ou non? La réponse revient à cette divergence. L'imam Shafi'i, par exemple, dit non. Mais l'imam Malik disait qu'elle doit refaire le pèlerinage. Elle doit refaire le pèlerinage. Donc voici pour les annulatifs des ablutions. Certains parmi les savants ajoutent le fait de laver le mort. D'autres ajoutent le fait de toucher la femme. Le fait de toucher la femme. Mais comme l'ont dit de grands savants, le fait de toucher la femme n'annule pas les ablutions, donc la personne n'a pas eu la sortie du madhi, du liquide prostatique dû à l'excitation. Donc le simple fait de toucher la femme n'annule pas l'ourdo, car le prophète embrassait ses femmes, puis il allait faire la prière. Il allait faire la prière. Quant au fait de laver le mort, Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, par exemple, nous dit que ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Non. Car ces savants considèrent que les hadiths mentionnés dans ce sujet-là ne sont pas authentiques. Et à supposer, ils disent que ce qui est voulu par la purification, c'est Mahada, ça n'est pas le sens religieux mais linguistique. Après avoir mentionné les annulatifs des ablutions, passons maintenant à ce que les savants appellent Sunanul Wudu, les choses recommandées dans les ablutions. Comment parfaire les ablutions? Comment faire au mieux les ablutions? Comment avoir la plus haute récompense lorsque nous faisons les ablutions? Sunanul wudu, les choses recommandées dans le wudu, ce sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli, ou a dit, ou a encouragé à faire, sans le rendre obligatoire. Et par moments, il les a délaissés, donc on a su que ça n'était pas obligatoire. Premièrement, at-tasmiyah, le fait de dire bismillah. Et on ne dit pas al-basmala, car al-basmala, c'est dire ou écrire bismillahirrahmanirrahim. Et ce qui est voulu ici, c'est juste dire bismillah. Donc on dira at-tasmiyah, le fait de dire bismillah. Il n'y a pas, selon certains savants, de textes précis sur le fait de dire bismillah au commencement de al-wudu. Nous n'avons pas de hadith précis, authentique, mais de par la généralité des hadiths mentionnés sur le fait de dire bismillah au début des œuvres louables, sinon la plupart des savants disent que ça n'est pas une obligation de dire bismillah ni une condition, mais c'est une sunnah. Certains disent même que c'est simplement permis, car ils ne voient pas qu'il y a un texte particulier qui est authentique. Et la preuve que ça n'est pas une obligation, c'est que Lorsqu'un homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam comment faire le wudu, il lui a répondu Tawadda kama amaraka Allah. Fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. Il fait référence au verset de l'wudu. Il fait référence au verset de l'wudu que nous avons étudié hier. Et on voit que dans le verset sur l'wudu, il y a eu l'adina manudakum tumila salat et farsilu wujuhakum. Il n'est pas fait mention de la tasmiya, du fait de dire bismillah au début. Donc les savants ont su, et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, authentifié par l'Albani, rahmatullahi alayhima, on a su ainsi que ça n'était pas une obligation. Aussi, beaucoup de compagnons ont enseigné à autrui al-wudu, et dans beaucoup de ces textes, il n'est pas fait mention de bismillah. Donc, ça n'est pas une obligation, comme expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et l'imam Ahmed a été questionné à ce sujet, sur le fait de dire bismillah avant le wudu. Et il a été questionné sur le hadith, ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi. La wudu a l'iman lam yadhkur ismallahi alayhi. Il n'y a pas de wudu d'ablution pour celui qui n'aura pas mentionné le nom d'Allah en le faisant. Il a dit laysa yathbutu fi hadha hadith. Il n'y a aucun hadith qui est authentique dans ce sujet. Et d'autres savants ont dit, quand bien même ce hadith serait authentique, son explication serait de dire « La wudu'a kamil, wa laysa la wudu'a sahih. » Le sens serait « Il n'y a pas de wudu parfait, complet. » Et non pas « Il n'y a pas de wudu authentique. » La deuxième chose recommandée « Raslu liyadayni thalathan thalathan »« Na'am, raslu liyadayni » ثلاثاً قبل شروع في الوضوء أو قبل غسل الوجه. Le fait de laver ses mains à trois reprises avant de commencer الوضوء, c'est-à-dire de commencer la bouche, le nez, le visage. Se laver les mains à trois reprises, c'est une sunna, sauf lorsque la personne se réveille du sommeil de la nuit, c'est une obligation de laver ses mains à trois reprises avant de la mettre dans le récipient. Troisièmement, ذُكْرُ النِّيَّةِ إِلَى آخِرِ الْوُضُوء. Se rappeler de l'intention, après avoir mis l'intention, se rappeler de l'intention jusqu'à la fin de الْوُضُوء. L'avoir présent à l'esprit jusqu'à la fin. Ceci n'est pas une obligation, c'est une sunna. L'obligation, c'est de mettre l'intention avant de commencer. Certains disent, après avoir fait le wudu, après avoir demandé où est-ce qu'ils peuvent faire le wudu, « Ahi, excuse-moi, je n'ai pas mis l'intention. Est-ce que je dois refaire le wudu ?» Subhanallah. Lorsque tu as cherché, lorsque tu t'es déplacé, lorsque tu as questionné où puis-je faire le wudu, c'est déjà ça l'intention. C'est déjà ça l'intention. L'intention, ce n'est pas une parole qu'on prononce. L'intention, c'est dans le cœur. C'est ce qui te pousse à faire l'action. Donc tu as mis l'intention, c'est impossible de ne pas avoir mis l'intention dans cet exemple mentionné. L'intention, c'est de vouloir faire al-wudu, c'est tout. C'est une chose simple, donc il faut mettre fin au waswas. Il faut mettre fin aux insufflations que Shaitan te suggère. Dis « A'udhu billahi minash shaitan rajim » et détourne-toi de cela, n'y pense plus, n'en parle pas, ne questionne pas. Détourne-toi du waswas, c'est le meilleur remède. « Wasta'idh billah » et cherche protection auprès d'Allah. Contre ton ennemi déclaré à Shaitan, c'est interdit de suivre les pas du Shaitan. C'est interdit d'accepter le waswasa. Allah te dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan. » Pour vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du Shaitan. Le waswasa entre dans ça. Allah t'a interdit de suivre le waswasa du Shaitan. C'est ton ennemi déclaré, comment se fait-il que tu lui obéisses? Il t'épuise, il te fatigue, il veut te décourager, te sortir de cette adoration, de ce jardin du paradis, de ce bonheur, de ce plaisir. Il veut te sortir de la soumission à Allah Azza wa Jal, pour que tu sois du nombre des gens de la fournaise avec lui. Donc dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et ne retourne plus jamais dans l'acceptation de l'waswasa. Quatrièmement, يستحب تكرار غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق واليدين والرجلين ثلاث مرات. Il est recommandé de se laver la bouche, le nez, le visage, les mains avec les coudes, les pieds avec les malléoles à trois reprises. C'est une sunna. Sinon, l'obligation, c'est une fois. Mais ce qui est recommandé, c'est de le faire trois fois. Le prophète l'a également déjà, l'a aussi déjà fait deux fois. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه البخاري لمن بخاري rapporte que عبد الله بن عباس a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions une fois c'est-à-dire qu'il a lavé chaque membre une seule fois. Dans le hadith عبد الله بن زيد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين. Dans le hadith عبد الله بن زيد le prophète صلى الله عليه وسلم a fait ses ablutions deux fois, c'est-à-dire qu'il a lavé chaque membre deux fois, rapporté par le Bukhari Muslim. Et dans le hadith de Othman, thalathan, il a lavé chaque membre trois fois. Et là, on parle bien de lavage. Quant à la tête et aux oreilles, on parle de mas, on parle d'essuyage. Et dès qu'il s'agit d'essuyage, retenez la règle, c'est une seule fois. L'essuyage, c'est pas trois fois, c'est pas deux fois, c'est une seule fois. Qu'en est-il de dépasser le nombre 3? Sachez que c'est interdit. Sachez que c'est interdit. Car dans le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, جَاءَ عَرَبِيٌّ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه النسائي وابن ماجه صححه الألباني رحمة الله عليهم. عبد الله بن عمرو nous dit qu'un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogea. Un bédouin vint voir le prophète sallam et l'interrogea au sujet des ablutions. Il lui montra donc les ablutions en lavant chaque membre trois fois. Puis lui dit, c'est ainsi qu'on fait El Wudu. Et celui qui ajoute à cela, qui fait plus que trois, aura mal agi, aura transgressé et aura été injuste. Aura été injuste. Et je rappelle que l'essuyage, lui, par contre, n'a lieu qu'une fois. Comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Zadul Ma'ad, et comme le mentionne Ibn Baz rahimahullah ta'ala dans Durusul Muhimma. Et la plupart de cette série de cours est tirée de Durus al-Muhimma du grand savant Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ce grand savant et ce grand imam de l'islam, min ahli sunnati wal jama'a. Et la plupart de l'explication est tirée du sharh de Sheikh Abdelrazzaq al-Badr hafidhahullahu ta'ala, puisse Allah le préserver. Lui ainsi que son père, le grand savant de Al-Madina. Hafidhahum Allah. Et qu'Allah préserve l'ensemble des savants. Septièmement, ou bien sixième, Mada, on était au quatrième point. Donc cinquièmement, Al-Istinthar. Wa huwa daf'u al-ma'i min al-anf bi quwwa. Al-Istinthar, c'est le fait d'expulser l'eau des narines. C'est une sunnah. Le fait de mettre de l'eau dans la bouche et de la recracher, c'est le madmada. Et l'excellence, c'est de la secouer dans la bouche avant, de la recracher. Ensuite, al-istinshaq, c'est le fait d'introduire de l'eau dans les narines. Ceci est obligatoire. Mais al-istinthar, expulser l'eau des narines, la rejeter, ça c'est une sunnah, c'est recommandé. Sixièmement, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaq illa lis-sa'im. Sixièmement, le fait d'exagérer, on va traduire ainsi avant d'expliquer, lorsqu'on met de l'eau dans la bouche et qu'on la secoue à l'intérieur, et lorsqu'on met de l'eau dans les narines, pour que ça atteigne l'endroit voulu. Donc on fait cela avec vigueur, sauf la personne qui est en état de jeûne, de peur que ça entre et qu'elle l'avale. Donc ça, c'est une sunna. Le simple fait d'introduire et de recracher l'eau, ou bien d'introduire et de secouer l'eau dans la bouche, ça c'est l'obligation. Mais de faire ça avec vigueur et la recracher, c'est une sunna. Et le fait d'exagérer lorsqu'on fait entrer l'eau dans le nez, c'est une sunna. Le prophète sallam nous dit Balir fil madmadati wal istinshaq illa an takuna sa'ima. Septièmement, at-tayamun fi bayn al-yadayn wa al-rijlayn. Le fait de commencer par la droite lorsqu'on lave les mains avec les coudes, ou bien même les mains au début, les mains avec les coudes, et les pieds avec les malléoles. Et ce qu'il y a en symétrie sur le corps, en double, on commence par la droite. Ça, c'est une sunna. Respecter l'ordre entre les différents membres, c'est une obligation. Mais respecter l'ordre droite-gauche entre les mêmes membres, ça, c'est une sunna. C'est une sunna, c'est recommandé. Takhlil ulma, le fait d'introduire l'eau avec la main et les doigts pour celui qui a une barbe fournie, c'est une sunna. Et le fait de bien passer entre les doigts, c'est une sunna. C'est une sunna. Et dans le hadith, إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. Une autre sunna, الدلك, le fait de bien frotter avec la main gauche lorsqu'on fait le wudu. Ou plutôt le fait de bien frotter même. Le fait de bien frotter lorsqu'on fait le wudu et qu'on passe l'eau sur les parties à laver. Le fait de bien frotter avec la main. Une autre sunna, la neuvième qu'on mentionne ici, isti'mal ou siwak, le fait d'utiliser le siwak pendant el wudu. Certains le font au début, certains le font à la fin. Et des savants mentionnent que l'endroit le plus adéquat, c'est de le faire avant de rincer la bouche. Ainsi, la personne, lorsqu'elle se rincera la bouche, les résidus partiront. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Si ce n'était par peur que ce soit trop, que je sois trop dur sur ma communauté ou pénible, je leur aurais ordonné l'utilisation du siwak pour chaque ablution. الاقتصاد في الماء, le fait d'économiser au maximum, le fait d'économiser au maximum l'eau utilisée lors des ablutions. Il est dit que lorsque l'imam Ahmed faisait le wudu, pratiquement aucune goutte ne tombait au sol. Et on le cachait de peur qu'il soit accusé de mal faire le wudu. Le 12e point est du'a ou أو الذكر بعد الوضوء. الدعاء والذكر بعد الوضوء. Le fait d'évoquer et d'invoquer Allah après الوضوء. Dans le hadith de Omar, dans lequel Imam Muslim رضي الله عنه ورحمه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoutez ce hadith, écoutez la facilité de l'islam, écoutez l'encouragement de l'islam vers les bonnes œuvres et les hautes récompenses. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Il n'y a pas un d'entre vous, il n'y a pas un parmi vous qui fasse al-wudu en le complétant, c'est-à-dire qui parfait el-wudu. Il vient avec les sunan, il fait trois fois, il s'applique. Puis il dit, j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc il n'y a pas une personne qui fasse el wudu, puis dit ce dhikr, qui dit l'attestation de foi, sans qu'on ne lui ouvre les huit portes du paradis. Et il y entre par celle qu'il veut. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, celui qui nous a facilité cette religion. Alhamdulillah, celui qui nous a envoyé ce prophète, qui nous a encouragé à prononcer cela, nous a transmis cela, sallallahu alayhi wa sallam. Ô combien cette adoration est facilitée. Et ô combien la récompense est immense. On t'ouvre, chers musulmans, chères musulmanes. On t'ouvre les huit portes du paradis et tu entres par celle que tu souhaites. Deuxièmement, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ce hadith est apporté par l'imam al-Tirmidhi, authentifié par Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. C'est une invocation qui est courte et lourde de sens. Oh Allah, Allahumma, ça veut dire Ya Allah, c'est-à-dire Oh Allah. Ij'alni, joins-moi au nombre de At-Tawwabin, de ceux qui se repentent beaucoup. Waj'alni minal mutatahhirin, au nombre de ceux qui se purifient beaucoup. Cheikh Salah al-Fawzan, Hafidahullahu Ta'ala, nous dit que le lien qu'il y a entre cette action, Al-Wudu, et cette invocation, est que la personne qui a utilisé l'eau, ou bien qui s'est purifiée, elle s'est purifiée de manière, on va dire, concrète. Et maintenant, elle va se purifier d'une manière abstraite des péchés. Ainsi, elle aura joint entre la purification abstraite et la purification concrète. Ou physique et abstraite. La purification par l'eau, par l'ouodo, par les ablutions, va lui rappeler une purification de l'âme, du corps, pas à travers le délaissement et le repentir des péchés. Nas'Allah yatouba alayna wa yaghfira lana. Pour finir, le troisième dhikr et invocation, Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك رواه النسائي في اليوم والليلة والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الألباني صحيح سبحانك اللهم وبحمدك Ici tu proclames la pureté d'Allah et le fait qu'il soit exempt de tout défaut et de toute similitude avec ses créatures. Exempt sois-tu, ô Allah, de tout défaut, de toute similitude avec les créatures. Wa bihamdik, ici tu proclames sa perfection avec amour et vénération. Puis tu dis, ashhadu an la ilaha illa ant, ashhadu an la ilaha illa ant, c'est-à-dire j'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Astaghfiruka wa atubu ilayk, je te demande pardon et je me repens à toi. Je te demande de me couvrir mes fautes et de me les effacer. Pour finir, une troisième sunna, salatu raka'atayn ba'da al-wudu, le fait de prier deux unités de prière après les ablutions. Le fait de prier deux unités de prière après les ablutions, c'est une cause pour entrer au paradis. C'est une cause pour entrer au paradis. Et on a plusieurs ahadiths dans ce sujet-là. Et la mention du prophète sallam au sujet de Bilal, qu'il a entendu ses pas au paradis, lorsqu'il l'a questionné sur une action qu'il faisait, de laquelle il espérait beaucoup, il lui a dit à chaque fois qu'il faisait le wudu, il priait après cela. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigner notre religion, nous aider à l'appliquer. J'invoque en faveur de nos parents malades, de nos frères et sœurs malades, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent et quelle que soit la cause, et plus particulièrement ceux qui sont touchés de ce virus. Fa'as'alullaha subhanahu wa ta'ala ayashfiahum ajma'in, innahu ala kulli shayin qadir, wa huwa al-barru rahim, wa huwa arhamur rahimin. On demande à Allah Azza wa Jal de leur accorder à tous la guérison. C'est certes lui, Ash-Shafi, le guérisseur. Et c'est lui, le doux, le miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. Sachez aussi, chers malades, que lorsqu'Allah Azza wa Jal décrète une chose sur le serviteur, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pitié de lui. C'est plutôt un test et une purification pour le serviteur. C'est plutôt un test et une purification pour le serviteur. Et demain, Inch'Allah ta'ala, à 13h30, je donnerai un rappel, ou je ferai un rappel à ce sujet. Je ferai un rappel à ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Et il y a notre frère bien-aimé, Ali de la Courneuve. Notre frère Ali de la Courneuve qui est malade. On demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder un prompt rétablissement. Et lorsqu'on voit que tantôt il est touché au cœur, tantôt il est touché de malaise, et peut-être même du Covid-19, cela nous laisse à penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé. Car il est beaucoup éprouvé, notre frère Ali. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il le guérisse, qu'il accorde endurance à son épouse et à sa famille. Et pareillement pour l'ensemble de nos frères et sœurs croyants et croyantes. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. À titre informatif, on a questionné un médecin de Médine, un frère qu'on connaît, qui a des écrits sur la médecine prophétique, sur Al-Hijama et autres. On lui a demandé sur l'utilisation de l'Habbatu Sauda, de la graine de nigel, pour ceux qui sont atteints du coronavirus. Et à la base, on a posé la question pour une femme enceinte. Et il a répondu, donc je vous fais profiter de la réponse. Il a répondu que c'est prouvé que le Habbatu Sauda, je ne me souviens plus s'il a précisé à partir de quel terme le prendre, était bénéfique pour la femme enceinte. Et il a dit qu'il est bénéfique pour la maladie avec la permission d'Allah, bien sûr, et qu'il fallait prendre des graines de préférence. Il n'a pas dit de l'huile, il a dit des graines. Et il fallait les mâcher. Il fallait les mâcher. Et si mes souvenirs sont bons, je revérifierai, Inch'Allah ta'ala, il a dit 2 grammes. Il a dit 2 grammes. Et si c'est trop difficile pour la personne, elle met cela dans une date et mâche la date, par exemple. Voilà, mes chers frères. Hafidhakum Allah, wa barakallahu fikum, wa afak, wa afan Allah, wa iyyakum min kulli su'in wa makruh. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.